Les gens. Les gens. Les gens de passage ne voient pas ce qui se trame, comme si on n'avait rien abattu, rebattu les cartes au rêve. Les cousins à la maison, en bas avec des vieilles voitures exposées. Vaut-il la peine de mort? Coup de couteau dans le dos, coup de couteau dans le dos, coup de couteau dans la gueule. Elle allume son cigare. Elle ne sourit jamais. Mais toi, tu dois lui sourire, toi, tu dois lui sourire. Elle te parle mal, mais toi, tu dois bien lui parler. Elle te répond, mais jamais. Mais toi, tu dois lui répondre. Elle ne te répond jamais. Elle se fout de ma gueule, ou de la tienne d'ailleurs. Mais toi, tu dois pas. Tout ce qu'elle fait contre toi, toi, tu dois pas. Tu dois pas en arriver là. À la maudire, à la haïr, à lui en vouloir. Non, tu dois subir sans en pâtir. Faut tenir le coup sans pouvoir partir. Tenir le coup, ne plus réfléchir et rester là, sans joie, sans rien, ne profiter de rien. Gâcher ce qu'il te reste. Te reste de temps pour elle qui s'en fout de toi, fou de toi, fou de soi. Toi, tu dois lui sourire. Elle te parle mal. Et toi, tu dois lui parler. Elle ne te répond jamais. Mais toi, tu dois lui répondre. Fou de ta gueule, mais toi, tu dois pas. Tu dois pas. Tout ce qu'elle fait contre toi, toi, tu dois pas en arrivée là-haut.